Nous déposons un brevet. Personne n'avait pensé aux chaînes en cosmétique. Et nous déposons ce premier brevet anti-âge, à la fois sur le mode d'extraction de l'extrait, complètement naturel, des matières premières naturelles avec une extraction sans solvant, sans conservateur, et aussi un brevet, bien sûr, sur l'efficacité, non seulement antioxydante, mais anti-âge de ce premier extrait de chêne. Comment est née ta marque cosmétique La Chênaie ? Quel premier ingrédient provenant du chêne avez-vous breveté ? Quel produit cosmétique est votre best-seller ? Voici quelques-unes des questions que je vais poser à ma belle invitée Muriel. Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée. Pour cette 76e interview, j'ai le plaisir de recevoir Muriel, la directrice de la marque La Chênaie, pour un live sur la force cosmétique du chêne avec La Chênaie. Bonjour Muriel ! Bonjour Alice ! Chers auditeurs, moi c'est Alice, je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être, donc j'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. Muriel, toi tu es directrice de la marque de cosmétiques naturelles et innovantes La Chênaie. La Chênaie est liée à l'histoire d'un groupe qui existe depuis plus de 3 siècles, spécialiste du chêne, le groupe français Charlois, et vous avez prouvé scientifiquement que plusieurs éléments du chêne ont de véritables vertus pour la peau en cosmétique. Donc tu vas nous raconter ton parcours et celui de cette belle marque. Et après mon interview, ce sera la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». On vous fera deviner 3 infos concernant Muriel. Les voici. Quel est son secret pour se défouler ? Qui fait sa fierté ? Muriel est particulièrement admirative des femmes qui travaillent dans ce domaine. Lequel ? Quel est ton parcours à toi ? Alors, mon parcours, moi, sans surprise, peut-être, il vient de la cosmétique. Effectivement, j'ai travaillé dans différentes grandes maisons, toujours sur du soin, un visage, toujours sur l'expertise aux soins qui m'intéresse particulièrement par son approche scientifique et puis les découvertes qui se renouvellent sans cesse. Donc, chez Chanel, dans le groupe Revlon, dans le groupe Yves Rocher. Et puis l'histoire de La Chênaie a démarré en fait par une rencontre, la rencontre avec Sylvain Charlois, président du groupe Charlois, donc un groupe familial français, bourguignon, qui est dans le 58, dans la Nièvre, et qui est expert du chêne depuis plus de 300 ans. Et donc ce groupe, je dirais que le fil rouge des activités de ce groupe, c'est le chêne. Donc ils vont fabriquer prioritairement du mérin. Le mérin, c'est, pour qui ne connaissent pas ce mot, c'est la partie la plus noble du tronc. Une fois qu'on a enlevé l'écorce, l'aubier, on a ce bois qui, si le chêne est parfaitement droit, sans nœud, sans branche, va permettre de faire des planches de mérin. Donc c'est une matière première très noble, très qualitative, et avec ces planches, on va ensuite fabriquer des tonneaux. Donc ça, c'est l'activité principale du groupe, mérandier, tonnelier, et afin de valoriser cette superbe matière première, le groupe a aussi d'autres activités pour ne perdre, je dirais, aucune miette de cette belle matière première qui met en moyenne 150 ans quand même pour arriver à maturité. Donc, on peut faire des toits en tuiles de chêne, on peut faire du chêne pour l'œnologie, on peut, voilà. L'idée, c'est de réutiliser chaque partie de ce bel arbre. À l'origine de La Chênaie, donc, la rencontre avec le président de ce groupe, qui a une idée, qui se dit, si le chêne est un si bon antioxydant pour le vin, puisque le vin et les meilleurs crus, hein, particulièrement, se bonifient en fût de chêne, peut-être le chêne est-il aussi bon pour la peau ? L'idée était géniale, pertinente, et la première chose en fait qu'on a commencé à travailler ensemble, donc j'ai rejoint effectivement la belle aventure à ce moment-là, pour mettre au point un premier extrait fait à partir d'écorce, de bois et de feuilles de chêne. L'idée, comme je le disais, c'est de valoriser, donc l'écorce par exemple n'est jamais utilisée en tonnellerie, donc on vient finalement la récupérer et valoriser des déchets potentiels de l'activité de tonnellerie pour en faire un extrait cosmétique. Donc je dirais que dès le départ, la gamme est éco-conçue en venant valoriser et en réutilisant des chutes de l'activité de tonnellerie. Donc écorce, bois, feuilles qui composent notre premier extrait dont on a non seulement prouvé les propriétés antioxydantes, de même que donc, le chêne pour le vin. Donc, antioxydante sur cellule de peau, cette fois-ci, mais également anti-âge. Notre extrait vient en fait inhiber des enzymes, les collagénases notamment, qui dégradent le collagène endogène de la peau. Et également, notre extrait vient inhiber la hyaluronidase, qui dégrade l'acide hyaluronique qu'une peau jeune a en bonne quantité, mais qui malheureusement se dégrade aussi avec l'âge. Donc, nous déposons un brevet. Personne n'avait pensé aux chênes en cosmétique. Et nous déposons ce premier brevet anti-âge à la fois sur le mode d'extraction de l'extrait, complètement naturel, des matières premières naturelles avec une extraction sans solvant, sans conservateur, et aussi un brevet, bien sûr, sur l'efficacité, non seulement antioxydante, mais anti-âge de ce premier extrait de chêne. Il y avait innovation, on apportait vraiment quelque chose de nouveau sur le marché, donc fort de cette découverte, j'ai développé la première gamme qui est sortie en janvier 2016, et qui est la gamme que vous voyez là, donc la gamme anti-âge, qui aujourd'hui a une structure produit assez complète, avec crème de jour, de nuit, sérum, on aura peut-être l'occasion de reparler de quelques produits ensuite, exfoliant, solution micellaire, et quelques produits pour le corps également. Donc ça, c'était le début de l'aventure, janvier 2016. Tu le disais, personne sur le marché n'avait pensé aux chênes. Non, personne n'avait pensé aux chênes en cosmétique. Cosmétique, il y avait... D'ailleurs, on avait fait quelques recherches avant le lancement en bibliographie et au Moyen-Âge, on a retrouvé des traces d'utilisation de chêne sous forme de décoction, mais rien de cosmétique. Quelques décoctions plus ou moins médicinales, mais rien de cosmétique. Donc, nous étions les premiers, ce qui a permis de déposer le brevet et qui maintenant nous permet aussi de rester les seuls à l'avenir. Une démarche, oui. En tout cas, très, très engagée de... qu'on peut associer à de l'upcycling, c'est un mot qu'on entend aujourd'hui, pour réutiliser, ne rien perdre de cette matière première noble. Exactement, exactement. Je vois une question sur est-ce le seul arbre qui possède ces vertus ? Nous n'avons pas étudié tous les arbres, très honnêtement. Nous voulions d'emblée nous focaliser sur le chêne, parce que comme je le disais, c'est pas un exercice marketing, c'est vraiment un végétal, un arbre qui est dans les gènes et dans l'ADN du groupe depuis plus de 300 ans. Hein. La même famille était déjà dans le même village et était déjà à l'origine bûcheron, puis sont devenus mérandiers. Donc voilà, l'idée c'était pas d'aller chercher, enfin c'était plutôt de travailler le chêne en priorité, de l'observer et de voir comment on pouvait valoriser les parties qui n'étaient pas utilisées en tonnellerie. D'accord. Vous êtes allé rapidement vers un deuxième brevet. Exactement. On s'est intéressé au chêne et à sa manière de résister notamment à la saison hivernale, lorsqu'il fait froid, que les feuilles sont tombées. Et comment se nourrit-il, comment résiste-t-il notamment à la déshydratation? Et c'est grâce à sa sève. Donc, une sève qui, autant au printemps, est assez peu intéressante, car elle vient des racines et c'est plutôt de l'eau de pluie. Autant à l'automne, on a une sève très élaborée qui est riche dans de nombreux éléments nutritifs parce qu'elle a bénéficié de la photosynthèse en circulant dans l'ensemble de l'arbre jusque dans ses feuilles. Donc nous avons prélevé à l'automne cette sève élaborée pour en analyser les propriétés. Alors déjà... Pour prélever de la sève de Seine, c'était déjà assez innovant, puisqu'en fait, quand vous fendez un tronc, rien ne coule, hein, contrairement à d'autres espèces. Donc, on a pu isoler la zone où se trouvait la sève, qui s'appelle le libercambium, qui est après l'écorce, après l'aubier, qui est une zone un petit peu plus spongieuse. Et pareil, qui n'était pas utilisée en tonnellerie. Et en prenant ce morceau de bois un peu humide, on a acheté une presse de première pression à froid et on l'a pressée. Et on a pu ainsi obtenir la sève de manière complètement naturelle, à nouveau, par une action mécanique, hein, très peu consommatrice d'énergie, sans solvant, sans conservateur à nouveau, pour voir cette sève que vous voyez. Alors, je vais l'approcher. Voilà, la voici. Ça, c'est de la sève de chêne, voilà, qu'on a pu prélever par... à l'aide de cette presse de première pression à froid, donc sur un système assez proche de l'huile d'olive, finalement. Voilà. Innovation aussi, personne n'avait jamais extrait prélevé de la sève de chêne. Et là, nous l'avons testé donc, sur cellules de peau à nouveau, sur kératinocytes, sur fibroblastes. Et nous avons prouvé ses propriétés à la fois antidéshydratantes et ultra-hydratantes sur cellules de peau par un système de synthèse protéique, notamment des aquaporines et des occludines, donc deux protéines qui sont extrêmement indispensables dans le phénomène d'hydratation. Donc nous avons déposé un deuxième brevet, sur les propriétés, cette fois-ci, ultra-hydratantes de la sève de chêne pour la peau, et avons sorti un deuxième pôle de produits, ces produits avec ce code couleur vert, qui exprime en tout cas la sève qui circule. Et cette gamme-là est donc est complètement une gamme hydratante. Tout type de peau à nouveau comme sont nos produits et qui contient un sérum hydratant, le gel en eau qui est notre best-seller hydratant, qui est un produit hydratant jour et nuit et en plus anti-pollution, un démaquillant, un petit programme de soins nettoyants à l'argile. Et j'imagine que quand on doit comme ça tout prouver, enfin déposer un brevet, bah c'est beaucoup plus de travail. C'est assez lourd effectivement, puisqu'il faut bien sûr de très nombreux tests hein, pour justifier la preuve de l'innovation et beaucoup de recherches aussi, notamment une fois la demande de brevet lancée, afin de vérifier que ce brevet ne rentre dans aucun autre brevet déjà déposé. Il y a un long travail aussi de vérification pour être sûr d'apporter quelque chose d'unique et de différent. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Et vous êtes allé même jusqu'au troisième brevet comme ça. Voilà, alors on a continué à regarder les différentes parties du chêne. Et cette fois-ci, ce sont les bourgeons qui nous ont intéressés. Le bourgeon, c'est une science qui s'appelle la gémothérapie, notamment dans l'univers pharmaceutique. Le bourgeon est par essence très intéressant puisqu'il est finalement la plante en devenir. Donc dans le bourgeon, on a le totum de la plante, c'est-à-dire à la fois la future feuille, la future fleur, la future tige, tout ce qui va être la plante en devenir. Donc on soupçonnait, et la bibliographie nous l'a montré, que le bourgeon allait être à la fois extrêmement riche, intéressant par la concentration, je dirais, en substances actives, en variété de substances actives, et aussi par la jeunesse des tissus qu'il proposait. Donc, nous avons mis au point un troisième extrait à partir effectivement de bourgeons. Je tiens à préciser aussi que les bourgeons ont été vraiment prélevés selon une charte de cueillette extrêmement rigoureuse pour ne pas pénaliser la croissance de l'arbre, au contraire, pour la renforcer. Et nous avons prouvé que cet nouvel extrait de bourgeon de chêne était particulièrement revitalisant sur cellules de peau, un nouveau fibroblaste et kératinocyte, et également anti-tache. D'accord. Donc éclaircissant sur les taches créées par le soleil et l'âge. Mmh. Ce qui nous a permis de sortir un troisième pôle de produits, la gamme restructurante à l'extrait de bourgeon de chêne. L'activité restructurante, revitalisante, va particulièrement bien convenir aux peaux ménopausées. D'accord. En synthèse, vraiment, nos trois pôles de produits sont vraiment déjà liés à des innovations scientifiques, des découvertes, et ce qui permet d'avoir une gamme qui est plutôt... Les produits sont tout type de peau, tous, mais une gamme qui est plutôt structurée par âge, en fait. La gamme hydratante, donc avec le code couleur vert à la sève, dédié dès les plus jeunes filles, dès 18 ans, puisque tout le monde a besoin d'hydratation. Après, il n'y a pas de limite d'âge forcément vers le haut, mais on a envie à partir de 35-40 ans de passer plutôt à l'anti-âge, qui va être le cas de la gamme cœur plutôt des 35 jusqu'à 50 ans, et la dernière gamme au bourgeon de chêne plutôt à partir de 50 ans. C'est aussi l'idée de vous montrer que chacun de nos produits a vraiment un sens, un packaging adapté. Et en l'occurrence, ça me permet de rebondir sur un de nos piliers aussi, c'est l'engagement écologique et le côté éco-responsable de nos packaging. Donc dans la gamme verte, par exemple, les tubes sont en plastique végétal, issu de canne à sucre, donc pas de pétrole hein, dans ces plastiques, ce sont des plastiques entièrement conçus avec de la canne à sucre. Dans la gamme anti-âge, qui est posée sur le rondin de bois, les tubes sont en plastique recyclé. Ils sont bien sûr recyclables. Pour vos trois piliers, on a la dimension écologique, le scientifique aussi, c'est ça ? Oui, En fait, nos valeurs vraiment reposent bien sûr sur l'innovation, je vous en ai parlé, sur l'authenticité aussi de notre histoire, sur l'aspect clean de nos formules. Elles sont toutes sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans ingrédients, sans huile minérale. On est vraiment sur un cahier des charges qui est très strict et qui va au-delà de la réglementation européenne qui elle-même est déjà très exigeante. L'efficacité, c'est vraiment aussi partie intégrante de notre ATN. Nos produits, on a non seulement un brevet, enfin, 3 brevets sur l'efficacité de l'extrait de chêne, mais nous avons complété par des tests sur les produits finis. Et donc, chaque allégation va être prouvée. Par exemple, une crème anti-rides, un test de lissage de rides a été fait. Une crème nourrissante, un test d'apport en lipides aura été fait. Le gel en eau dont je vous parlais, qui est non seulement hydratant, il y a un test d'hydratation, fait via un cornéomètre, mais également, il est anti-pollution. On a vraiment mesuré l'effet de la pollution sur la peau de nos consommatrices, avec un groupe de témoins qui n'avaient pas le gel en eau, et un groupe de femmes qui ont utilisé le gel en eau. On leur a vraiment déposé des particules de carbone sur le visage, et on a rincé ensuite sur les deux groupes. On a pu constater que les femmes qui avaient le gel en eau étaient bien mieux protégées des particules de pollution, puisqu'elles en gardaient beaucoup, beaucoup moins sur la peau, grâce au léger film bouclier qui est imperceptible que va proposer le gel en eau. On n'a pas toujours conscience de comment ça peut se dérouler, et donc vous déposez vraiment les molécules de carbone à même la peau. Absolument, absolument. Ouais, non, les femmes sont vraiment recouvertes de carbone, et puis on teste avec des photos, des éléments comparatifs avant, après. Tout ça est très rigoureux et fait bien sûr dans des organismes qui sont extérieurs à la chaîne, hein, des organismes qui sont externes. Donc voilà, on a aussi passé beaucoup de temps et beaucoup de moyens aussi pour tester l'ensemble de nos formules, parce que l'efficacité est au cœur de notre gamme. Et pour nous, en tout cas, la condition sine qua non de mise sur le marché d'un nouveau produit. Il faut qu'il soit efficace, c'est sa priorité. Donc voilà, l'efficacité fait vraiment partie de nos piliers. Et puis bien sûr, donc l'engagement écologique, à la fois sur notre extrait, puisqu'on l'a dit, il est éco-conçu à la base, et puis sur l'ensemble de nos formules naturelles et sur nos packaging, dont ils sont autant que possible, et vraiment on se challenge systématiquement dessus, recyclés et recyclables, pour limiter bien sûr la production de déchets. Tous nos produits, fait aussi partie de notre ADN, sont fabriqués en France, bien entendu. Et oui. Pour ce qui est de votre best-seller, tu le disais, c'est le gel en eau alors ? Gel en eau dans la gamme hydratante. D'accord. Mais si on regarde le best-seller de l'ensemble des produits, c'est la crème jeunesse jour. Depuis le lancement dans la gamme, donc depuis 2016, c'est très rapidement devenu notre best-seller. C'est vraiment une crème assez incroyable. Elle va lisser les rides, mais elle va procurer dès la première application très belle uniformité du teint, un éclat immédiat. Comme tous nos produits, on va revendiquer un pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. Donc dans ce produit-là, on est à 96,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Et on va même communiquer sur tous nos packagings avec un petit picto qui va mettre en avant ce pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. Et d'ailleurs, c'est une vraie fierté parce que notre première vente, c'est la crème de jour, mais très, très rapidement à côté vient la crème de nuit. Et la nouvelle crème restructurante dont je vous parlais là dans la gamme avec le capot en bois. Et ce sont vraiment nos crèmes, nos best-sellers dans toutes les gammes. Donc c'est une belle fierté parce que la crème, c'est quand même le produit le plus essentiel dans une gamme de soins. Et c'est un produit qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. Donc ça prouve que nos clientes en sont satisfaites et les rachètent régulièrement. Et on te demande si les produits sont vendus en boutique ou uniquement en ligne. Nous sommes principalement vendus en pharmacie et parapharmacie. C'est vraiment le réseau qu'on a choisi dès le départ parce que c'est un réseau qui, pour nous, est celui du bon rapport qualité-prix et qui a quand même, c'est pas négligeable, la caution du pharmacien qui est un filtre important et un gage de légitimité et en tout cas de qualité de nos produits. Donc, nos produits sont essentiellement pharmacie, parapharmacie. Ils sont aussi vendus sur notre site, effectivement, en ligne, lachennais.com, et sur ce site, vous trouverez ce qu'on appelle un store locator sur l'onglet où nous trouver, où il suffit de cliquer sur, enfin, d'indiquer son code postal, son département d'habitation. Et là, vous trouverez l'ensemble des pharmacies qui distribuent la marque dans votre département. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la communication, peut-être du marketing d'influence que vous pouvez pratiquer ? Oui, alors effectivement, on se fait, on a de très, très jolis partenariats avec quelques influenceuses. Nous sommes vraiment sur des relations longue durée, c'est important pour nous. Pas des partenariats one shot, c'est pas notre manière de travailler. On a des relations de qualité et les quelques influenceuses à qui nous travaillons, on a notamment pu partager un séjour en Bourgogne avec elles. C'est souvent comme ça qu'on fait connaissance, en les invitant à visiter le magnifique site du groupe Charlois, le comprendre pourquoi le chêne, comprendre ce qu'est une méranderie, ce qu'est une tonnellerie, comment on fabrique un tonneau, pour en arriver jusqu'à notre laboratoire, la mise au point d'extraits cosmétiques, la vente de nos produits, et même la découverte d'un soin institut, puisque nous avons depuis peu développé des protocoles de soins et qu'on peut dans certains hôtels trouver des spas avec les produits H&M. Donc, ça va être les formules qu'on achète aussi en tant que particulier ou ça va être d'autres formules ? Les deux. On va dans les soins utiliser à la fois nos produits, d'une part, parce qu'ils sont très efficaces et que très souvent, nos clientes aiment bien les retrouver à l'issue du soin pour pouvoir les acheter et poursuivre l'efficacité du soin à domicile. Mais il y a aussi des produits spécifiques pour la cabine, notamment tout ce qui va concerner le modelage. Là, ça nécessite effectivement des huiles particulières pour la cabine. Des relations de longue date avec des partenaires, j'aime bien les appeler partenaires, en tout cas des influenceuses qui partagent vraiment nos valeurs. Comme vous l'avez vu, nous sommes une marque engagée, on a un couple de valeurs très solide et c'est important aussi pour nous, dans tous les univers, mais dans la communication particulièrement, de travailler avec des gens qui partagent nos valeurs pour être en phase. Et oui. D'ailleurs, si on a des partenariats longue durée et qui se passent bien, c'est qu'on partage vraiment la même vision des choses. Petite question plus personnelle, est-ce que toi tu as un produit cosmétique un peu incontournable qui ne soit pas de la marque La Chenet ? Alors, je trouve tout ce dont j'ai besoin en termes de soins dans La Chenet, mais oui, je consomme aussi des produits de maquillage voilà, que je ne trouve pas, donc je dirais que j'ai un produit que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est un produit très récemment lancé, qui est un mascara d'une jeune marque qui s'appelle Haute Vue. Donc comme ça se prononce, tu veux, qui propose, et c'est vraiment ce que j'adore dans ce produit, un mascara soin et avec un très bel effet maquillage. En fait, c'est un mascara qui va renforcer la structure des cils tout en les intensifiant pour des cils vraiment beaux, plus forts, mais avec vraiment une approche soin. Ce sont des formules qui sont 100% d'origine naturelle, donc ça j'apprécie vraiment aussi, qui donc embellissent les cils et les renforcent au quotidien. Le choix des brosses, la brosse est particulièrement efficace. Moi, je suis très exigeante sur le choix des brosses pour un mascara et elles sont fabriquées par des experts. Et notamment, il y a deux formules. Moi, j'aime beaucoup le mascara longueur liner, qui est particulièrement efficace avec un effet immédiat magnifique, un démaquillage très facile aussi. Et puis les couleurs, je trouve qu'il y a des couleurs qui sont quatre couleurs pour l'instant, mais je trouve tout très réussi. Moi, j'ai une préférence pour le noir et le prune, très jolie prune qui sur les brunes approfondit vraiment le regard et donne une touche très, très personnelle. Donc voilà, un très joli produit, je vous engage à découvrir. Ils sont vendus en ligne aujourd'hui, la marque s'appelle Haute Vue. Le produit chouchou. C'est vrai qu'au niveau de l'univers maquillage, c'est pas forcément évident de combiner à la fois efficacité et composition naturelle. Donc c'est intéressant d'avoir des pistes comme ça. Très bien, et eh bien merci pour toutes ces informations. Nous passons à la rubrique Les auditeurs t'imaginent, puisque chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, les auditeurs se laissent porter par la voix. Ils imaginent ma belle invitée. L'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. C'est donc à vous de participer maintenant puisque nous avons trois devinettes pour vous. Concernant Muriel, quel est son secret pour se défouler? Qui fait sa fierté? Et Muriel est particulièrement admirative des femmes qui travaillent dans un domaine, à votre avis, lequel? Nous avons eu la boxe pour se défouler. Au niveau de la fierté, la création de la chaînette. Et pour le domaine, ce seraient les infirmières. Ce ne sont pas les réponses que j'ai citées, mais la réponse 2, en tout cas ma fierté, la chaînette, bien évidemment. Alors, nous avons une autre proposition, c'était le jogging pour se défouler, sa fierté, ses enfants, et elle est admirative des femmes en politique. Est-ce qu'il y a du bon ? Ah, pas mal, pas mal. Il y a deux bonnes réponses. Ah, pour Chris, on avait le vélo, son enfant et les femmes pompiers. Il y a un peu de vrai aussi. Bah oui, enfant, ça reste vrai. Et les femmes pompiers, ça rejoint aussi un petit peu ma réponse, mais elle sera, je vous la dirai tout à l'heure. Oui. Et Juju, le chant, ses enfants et le domaine du sport. Pas mal aussi, pas mal aussi. Alors, mon secret pour me défouler, c'est la Zumba. C'est la Zumba. Je suis fan de Zumba. Dans ce club-là, ça fait 3 ans, mais j'en ai fait auparavant de très nombreuses années dans un autre endroit. Et c'est vrai que c'est faire du sport en dansant. C'est tout ce que j'aime, avec des musiques latino, tout ce que j'aime aussi. Voilà, un très bon moyen de se défouler après le travail, d'attaquer une deuxième journée dans un univers complètement différent, festif et très dynamique. Donc, tout ce que j'aime et très défoulant aussi. Mon deuxième secret, c'est effectivement mes enfants, ma fierté, mais la création de la chaîne est bien sûr une immense, immense fierté et l'exercice de la page blanche pour aboutir à cette belle gamme qui a plus de 30 références aujourd'hui et vraiment un très, très beau résultat, donc forcément source de fierté. Et puis, à la troisième question, j'ai répondu d'une manière générale, j'étais particulièrement admirative des femmes qui réussissent dans des univers d'hommes. Je trouve qu'il faut encore plus de force, d'énergie, de combativité. Et à ce titre-là, on peut citer effectivement le monde de la politique. On sait que les femmes qui se lancent en politique sont particulièrement courageuses et dégagent beaucoup. On a souvent besoin de plus d'énergie, plus de combativité pour arriver à émerger. Mais il y a aussi le monde de l'aéronautique, il y a effectivement les pompiers, c'était un bon exemple aussi. Voilà, je trouve que tous ces univers d'hommes, il faut encore être encore plus forte, encore être plus persévérante, s'accrocher vraiment. Et ce sont pour moi des modèles dans de très nombreux domaines parce qu'elles elles redoublent d'énergie et de combativité. Donc, bravo à elle. Bravo à elle. Ouais. Eh bien, merci pour ces devinettes. Merci, chers auditeurs, d'avoir imaginé Muriel. Et en répondant à ces devinettes, je posterai sur Instagram, juste après le live, la photo mystère. On arrive donc à la fin de notre émission sur la force cosmétique du chêne avec la chênaie. On a beaucoup appris déjà de ce bel arbre, mais aussi, bien sûr, de ses vertus en cosmétique. Et de cette belle marque qui, comme tu le disais, a été créée à partir d'une page blanche. Donc, très, très beau challenge, très intéressant. Merci de nous avoir répondu, Muriel, et tout raconté. Chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée aujourd'hui. Vous pouvez suivre les aventures de Muriel et de La Chênaie sur le compte Instagram La Chênaie Cosmétique, tout attaché. Pour ma part, rendez-vous sur mon blog pour écouter les replays de tous mes podcasts. Pour découvrir plus d'infos beauté, c'est beautéimaginée.com. Les podcasts comme celui-ci sont ensuite disponibles sur les grandes plateformes Spotify, Apple Podcasts, Samsung Podcasts, etc. En général, je pose une dernière question pour savoir si tu as une idée de marque qui pourrait être ma prochaine invitée dans une interview. Je crois qu'on a compris que tu adores les mascaras haute vue. Absolument, c'est une très bonne idée. On peut tout à fait, si c'est possible, interroger la créatrice de la marque Haute Vue, car c'est vraiment une toute jeune marque et vraiment très intéressante, à la fois au titre de naturalité, d'efficacité et de très jolis produits qui proposent un résultat assez exceptionnel sur les yeux. Donc Haute Vue, ce serait effectivement ma recommandation pour le prochain live. Très bonne idée. Mille merci Alice pour ton invitation, pour l'organisation, la vente de nos produits. C'est toujours un plaisir de partager le travail qu'on a fait sur la chaînette et la mise en avant de nos jolis produits. Avec plaisir, merci. Merci de m'avoir permis aussi de les découvrir.